Celui dont l'oreille perçoit son propre écho, celui dont je rêve un jour de te conter les hauts faits qui s'apprête à demain pour le grand saut, mais aujourd'hui repos. Lui que fait devenir chèvre son égo, mais qui le fait vivre plus qu'espérer. Qui le fait vivre plus qu'espérer. Je te raconterai ta mère, notre famille qui l'auront tant aidé. Je te raconterai leurs visages, leurs habits quand il réussit. Si ce fut une victoire ou juste un leurre masqué, je te cacherai son noir et ce sans jamais te tromper. Sache que cette histoire, ton oncle, même si on te fait croire au contraire, te la comptera mieux que quiconque sauf peut-être ma mère. Je te raconterai votre rencontre et cet amour instantané. Je romancerai sûrement par peur que tu ne t'ennuies, tout en restant conscient que tu forgeras ton propre avis. Habile comme tout enfant de savoir et de vie, je tâcherai de temps en temps d'être un parrain des plus instruits. Je te parlerai de lui, sa dure vie, ses mécènes. Je t'expliquerai ses ennuis même si je ne veux pas que tu le plaignes. Je parlerai pour lui, qui prend pas de temps entre deux scènes, qui s'en excuse aujourd'hui pour plus tard ne pas te faire de peine. Plus tard ne pas te faire de peine, qui s'en excuse aujourd'hui pour plus tard ne pas te faire de peine. Je te raconterai tout, son état d'esprit, ses ambitions et ses doutes. Je te pistonnerai si ta vie emprunte les mêmes routes. Oui, je t'épaulerai, tout comme je fuis pour son histoire. Je te conseillerai même sans effet, et ça, ce n'est qu'à toi de voir. Ce n'est qu'à toi de voir. Je te conseillerai même sans effet, et ça, ce n'est qu'à toi de voir. Je t'éloignerai de mille façons de ce que j'estime mauvais, notamment par ces chansons que tu pourras interpréter. Et si un jour ton oreille n'entend lui que sens qui s'enlise, tu pourras les trouver ma grande, puisqu'il suffit que tu les lises. Trouver ma grande, puisque je sais que tu es libre.